Ah bah c'est toi qui l'as le truc. C'est ça que tu cherches? Ouais. Je me remercie. Alors, tu feras attention, on a des plus fraîches que d'autres. D'accord. Tu veux quoi? Une ambrée, une... Une blanche. L'autre. J'en ai que deux, des comme ça, donc... C'est sympa, merci. Tu sais ce que je me suis fait comme réflexion pendant tout ce temps? C'est que ma voiture est un peu à mon image maintenant. Elle vient de passer les 80 000 km, elle est de 97 et elle fuit. Voilà. D'accord. Ok. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Donc tu as passé les 80 000 km? Ouais. Pas de 97. Non, je suis pas de 97, non. Mais je ne fuis pas non plus. Et ça, c'est important. C'était une image, en fait, que je voulais essayer d'expliquer. Tu vois. Non, mais écoute, ça peut plaire aux gens. On n'était plus les jeunes fringants qu'on a été. On c'est était ça. Plus dans le même état. Et... Voilà. Tu sais qu'il existe des couches pour ça. Hein. Oui. Pour adultes. Oui. Oui. Et tu sauras pas si j'en porte en ce moment. Ah, mais écoute. On est parti? Bah vas-y, enregistre. Alors, clic. Ah quel feinteur. Eh bien, bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 3 de Road to Hellfest. Après une légère absence liée à un peu des manques de news, un peu un pont du ferrier, un peu un manque de news et une petite esquive liée à Red Dead Redemption 2. Un peu à un moment donné. Ah bon? Bah ouais, le... Il y a 15 jours, à un moment donné, tu m'as dit « podcast ». Tu dis « oh, il n'y a pas trop de news ». Et tu m'as fait « oui, c'est vrai, donc bon, bah, pas de podcast ». Et moi, j'ai répondu « yeah ». C'était parce que j'ai fait du Red Dead après. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était pour ça. Qu'est-ce que t'en dirais pas qu'on trinque? Eh bah écoute. Attends, c'est laquelle? C'est celle-là. Hein. Celle qui est ouverte. C'est... Enfin, celle qui est ouverte, mais pas vide. Voilà, c'est ça. À la bonne tienne. Vous excuserez volontiers mon nez bouché, mais ça fait 6 mois que je suis enrhumé, donc... Au bout d'un moment, il faut faire avec les problèmes qu'on a. C'est ça. Moi, je prends Bob comme il est, alors acceptez-moi comme je suis. Oh, salaud. Comment as-tu passé les 3 dernières semaines? 3 dernières semaines. Alors Bah, plutôt bien. Cool. Voilà. À cause de quoi? Bah, à cause de plein de trucs. Ah ouais, oui. Effectivement. Des choses intéressantes se sont passées dans ta vie. Vrai. Tout à fait, en 3 semaines, ça... Ça a un peu upgradé, comme on c'est dit. C'est vrai, hein, que t'as un petit peu changé de statut. Voilà. Avant, on enregistrait dans une chaufferie. Maintenant, c'est la chaufferie d'un château. C'est ça. Donc, c'est un peu... Enfin, ça reste... Enfin, c'est juste... Parce qu'on sait qu'on est dans un château, sinon... Et voilà. Enfin, on s'imagine qu'on est dans un château. C'est quand même gentil de me recevoir sur ton, sur ton domaine. Mais il n'y a pas de, problème. Hein. C'est d'avoir laissé tes gens me permettre de rentrer. Mais laquer. Oui, parce qu'ils ont, voilà. Ils ont un peu hésité au début. Ils m'ont vu arriver, ils ont fait « Excusez-nous, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Oh, ça. C'est des connards. Bah, bon, tu les payes peut-être pas assez cher. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, tu as passé 3 bonnes semaines. Ouais, ça a été, ouais. Eh bien, tant mieux. Voilà, donc on se retrouve dans 3 semaines. Hein, pour voir si Bob a passé 3 bonnes semaines. Et toi, t'as passé 3 bonnes semaines. Donc ça sera, c'est un podcast sur les semaines. C'est voilà, toutes les 3 semaines, un petit bilan. Voilà. Eh bien moi, alors la semaine dernière, je me suis fait hacker mon compte Hotmail et un peu ma page Facebook. Ça m'a moyen fait rire, surtout que j'étais au travail. Mais heureusement, grâce à toi, j'ai pu rectifier le tir assez rapidement. Après, je ne suis pas encore trop conscient des dégâts. À première vue, il n'y a pas eu de dégâts. Ouais. Mais bon, on n'est jamais trop à l'abri d'une mauvaise surprise. 75 000 euros, quoi? Vous nous devez... Quoi? Donc, bon, non. Mis à part ça, j'ai un peu joué à Red Dead Redemption, mais pas beaucoup. Le 2, bien entendu. Et c'était plutôt très bien. Voilà. Ça me casse les couilles. Moi. De ne pas pouvoir jouer? Non, de jouer des fois. Pourquoi? Parce que je me fais descendre à tout. Ah oui, non, c'est mais c'est, il est impitoyable ce jeu. Ah, mais c'est clair. C'est, oui, non, je suis d'accord. Et puis surtout, faut, les gens sont tendus. Ouais. C'est un peu à l'image de la vie. Oui, complètement. Ouais. En fait, c'est complètement un parallèle avec ce qui se passe avec les gilets jaunes en ce moment. C'est possible, ça. Tu vois, je veux dire, toi, t'arrives dans un village tranquille et les gens te regardent mal et toi, tu dis, bah, je suis désolé, tu veux calmer le jeu parce que t'as compris que tu te faisais buter. Et pourtant, les gens te rentrent dedans. Ouais. Là, t'es là, t'es avec ton gilet jaune, t'expliques, je suis avec vous, les gars. Et pourtant. Ils te rentrent dedans. Enfin, non, tu leur rentres dedans. Du coup, c'est un peu l'inverse. Mais bon, en tout cas, on tenait à dire que Road to Hellfest soutient le mouvement des Gilets jaunes et nous aussi, on est pour l'augmentation de l'essence et des taxes. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ouais. C'est ça, hein. Je sais plus, moi. Très bien. Je suis complètement paumé, maintenant. Est-ce qu'on partirait pas sur une bonne petite tripotée de news? Tu crois? Oh, écoute, bah, il y en a moult. Moult. Je vais commencer. Vas-y, commence donc. Alors, attends, je fais comme ça. Ah, voilà. Alors, le 31 octobre, soit le jour d'Halloween, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, on est un peu des nazes parce que après la troisième émission, le lendemain pour être précis, j'ai dit à Bob, on est vraiment trop cons, on aurait dû faire une spéciale Halloween. C'est vrai que tu m'as dit ça. Ouais, et du coup on aurait même pu la faire la semaine d'après en disant, bah il n'y a pas de truc, on en fait une quand même. Et bah non, voilà, donc on est un peu, je pense qu'il y avait matière à faire un truc intéressant. On en fera une spéciale Noël, c'est pas grave. Oui. Oui, oui, oui, la fameuse, l'épisode de Noël, comme tout le monde. Voilà, bah écoute, il y en a qui sortent des albums de Noël, pourquoi pas un épisode de Noël. Bah oui, on pourrait faire ça. Donc, le 31 octobre, d'ailleurs, t'as eu beaucoup de bonbons ou pas, toi? 12. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. T'avais du choix ou 12 fois le même? Bah non, j'ai eu 4 lames de rasoir. Ouais. Et 7 réglisses. T'as quand même un éventail assez large en termes de bonbons. Tu passes des lames de rasoir aux réglisses. Ouais, bah oui, parce que c'est ce qu'on m'a donné. Oui, d'accord. Des gens en particulier qui t'ont donné ça? J'ai goûté, c'est dégueulasse. Ah, bah oui. Ça n'a vraiment pas de goût. Quoi. Heureusement. Oui, bah parce que ça avait un goût, ça pourrait être encore pire. C'est pas faux. Alors, le 31 octobre, Slipknot a sans prévenir sorti un premier extrait du futur album. Hall Out Life, sous la forme d'un clip sur son site officiel et presque au même moment sur toutes les plateformes de streaming. As-tu eu l'occasion d'écouter ce cingleux? Oui, c'est cinglé. Oui, j'ai eu l'occasion d'écouter ce cingleux. Et alors, comment l'as-tu trouvé-tu? Je l'ai trouvé-tu à l'image de Slipknot, tout à fait raccord avec le groupe en lui-même. C'est ça même. Le clip... C'est vrai, le clip est un peu assez barjot dans l'esprit. Un peu violent. De la violence, ouais. Ouais. Et musicalement, ça t'a plu? Écoute, c'était sympa à écouter. Ça fait toujours du plaisir quand même, ça reste de la musique. Aux dernières nouvelles, je crois que dans les précédents épisodes... Dans les précédents épisodes de Road to Hellfest, Bob disait, j'ai pas tout écouté de Slipknot, moi je suis resté jusqu'au... troisième, de mémoire. Ouais, c'est ça, j'ai écouté le premier, le deuxième, mais je ne suis pas sûr d'avoir écouté le troisième. Si, tu l'as, le troisième. Donc, je connais que trois épisodes. Voilà, et ben, il y en a quand même deux autres à découvrir. Ouais. Et moi, je trouve que justement, celui-là, je sais pas si c'est avec toi, je crois pas que c'est avec toi que j'en avais parlé. Non. En fait, je m'étais fait la réflexion de... Parce que j'ai beaucoup aimé, justement, ce morceau, et en fait, j'ai été réécouter l'ancien album, qui, quand il était sorti, j'avais fait un petit peu de... m'avait laissé un peu sur ma faim. Et donc, après avoir écouté... j'ai écouté une bonne vingtaine de fois cette chanson. Je voulais vraiment m'en imprégner. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier. Et je trouvais qu'il y avait justement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et que c'était un truc que j'avais beaucoup aimé dans les débuts de Slipknot. L'énergie, justement. Et je trouvais que tu la ressentais beaucoup. Ouais. Et en fait, donc le dernier album sorti, The Chapter 5 de Chapter Grey, ou Chapter 6 Grey, enfin bref. Bref, celui qui est le dernier sorti. Oui. Il m'avait laissé un peu sur ma faim, comme je le disais, et donc j'ai été le réécouter là après. Et en fait, effectivement, je trouve qu'il manque d'une certaine énergie. Et en fait, c'est au niveau du chant particulièrement. Il n'y a pas la même. Dans ce nouvel extrait, on sent vraiment le plaisir. J'ai vraiment l'impression que Corey Taylor s'éclate et est vraiment content, alors que dans l'autre, non. En même temps, c'était l'album qui est sorti après la mort de Paul Gray, leur bassiste, et aussi le renvoi de Joey Jordison. Et accessoirement, il y avait aussi Jim Root, le guitariste qui était dans Stone Sour, qui a été renvoyé par Corey pour lui dire « va écrire les nouvelles chansons de Slipknot ». Donc c'est vrai que c'était peut-être un album un peu compliqué et une ambiance un peu différente. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus mou justement dans le chant et dans le fait de se lâcher. Alors que là, je sens vraiment de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Et donc j'ai donc beaucoup aimé cet extrait qui m'a hypé de ouf pour l'album. Voilà. Waouh ! Ouais. Je tenais aussi à rajouter qu'il semblerait, alors j'ai pas du tout pensé à reprendre les notes, mais que Slipknot ne serait pas au Hellfest. Il y a eu quelques précisions données et il ne serait pas là. D'accord. Après, on aura la surprise demain. Oui, car nous sommes le 20, 21, 21. 20, on est le 20. On est demain, le 20. 21. Et ça fait plusieurs semaines que j'annonce à Bob que genre ils vont sortir l'affiche demain. Voilà. Ouais. Pour moi, ils vont la sortir demain, ce qui va nous foutre un peu dedans. Parce que du coup, mercredi, du coup. Ouais. Donc, Et pourtant, j'ai lu justement sur Internet qu'ils auraient annoncé ça le 23, donc vendredi. Pourquoi ? C'est ce que je me suis posé comme question. Mm-hmm. Du coup la question est plus, si jamais ils l'annoncent demain, on fait quand même un truc demain soir vite fait ? Ouais, ou dans 3 semaines. S'il y a pas Red Dead, ça peut le faire. On en reparle. C'est ça. News suivante. Eh, dis donc, le magazine Metal Hammer propose aux fans de Slayer de faire partie du numéro Hommage de décembre en envoyant leur photo Hommage de décembre pour réaliser une couverture spéciale. Fait du collage de toutes ces photos et juste des meilleures selon le nombre reçu, bien sûr. All you need to do is take a photo of yourself. Nothing to horns and giving us your best Slayer scream. T'as compris l'idée? Ouais, grosso merdo. Ouais. Send the photo to metalhammer@futurenet.com or send them to us via Facebook, Twitter or Instagram using the hashtag SlayerHorns. J'aurais dû réécrire cette news. C'est fort possible. Donc, l'idée, c'est de se prendre en photo en faisant... votre meilleur Slayer et vos meilleures cornes. Voilà, en faisant le meilleur Chris de ça et que ça sera sur une couverture hommage. Ce qui est plutôt sympa. Ce qui est plutôt sympa. Alors, je tiens juste à dire que je suis tellement nul que dans ma précipitation, au début, j'avais cru que c'était un... Je le dis comme ça. J'ai mal lu la news. Ouais. C'est pas du tout à ma mauvaise compréhension de l'anglais, mais au début, je m'étais dit, ah, un numéro hommage, et dedans, ils vont intégrer, genre, des covers de groupes amateurs, et donc de tous les fans de Slayer qui pourraient envoyer leur version de cover, et ça serait sur une espèce de scud. Je trouvais, en fait, j'ai tellement fantasmé l'idée que c'est ce que j'ai voulu lire. Ouais, certainement, ouais. Parce que j'aurais trouvé ça super cool. C'est une espèce de... que les gros fans de Slayer puissent proposer leur meilleure reprise et qu'elle soit sur un CD vendu avec un magazine. Ça pouvait être cool. Ouais. En plus du CD. De base. Voilà. Voilà, mais c'était... voilà. Ou en cassette. Oh, purée, ouais, une petite cassette. Ça serait pas mal, ça. On va leur proposer l'idée. Exact. Voilà. Et donc, toi, tu vas le faire, la photo de... C'est que pour les fans de Slayer, en fait. Ah ben, t'as dit que t'avais bien aimé des trucs. Ouais, j'ai bien aimé, mais je suis pas fan pour autant. Oh, ouais. Quand on aime. Ouais. Vas-y, continue. Non, c'est tout, c'est plus quand on aime. Ouais, quand on aime. Quand on aime. Dis-moi, Bob. Non. Est-ce que tu aimes le café ? Mais bien sûr que oui. Et les mugs ? Mais bien sûr que oui. Et bah, pour 12$, tu peux avoir un sachet de café et un mug de corne. Non. Je te jure. Un café en partenariat avec Jiggersy... Bah, c'est ça. Un café en partenariat avec Jiggersy Coffee peut... Eh, ça va toi ? Ça va ? Dis Bob, est-ce que tu aimes le café ? Et les mugs ? Attendez, c'est bon, je peux le faire, je sais que je peux le faire. Vas-y. Je suis un professionnel. Alors, un café en partenariat entre Korn et une grande maison du café américain de Las Vegas. L'escroc. Et on peut même commander des sachets plus gros pour $17.99. Nous avons aussi appris dans une parallèle de cette news, via un petit SMS de John Davis, que le nouveau Korn s'enregistrait tranquillement et que lui n'était pas dans l'urgence et qu'il était impatient de s'y mettre quand il rentrerait de sa tournée solo. Et il semblerait que l'orientation musicale soit plus vers du groove metal. Mm-hmm. Alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, c'est vrai que Korn, c'est toujours été du new metal, bon, mais ça a quand même toujours un peu groové. C'est pas faux. Et pourtant, j'ai énormément vu de commentaires de gens pas contents qui disaient « Mais laissez le groove metal où il est. » Quand même, les gars, ça va. C'est pas non plus le groupe le moins... Oui, oui. Mais bon, ça reste du nu metal. Et on arrive dans les gens qui mettent des choses dans des cages et des cases dans des boîtes et des boîtes dans des tiroirs et des tiroirs dans des commodes. Et puis tu perds le couvercle. Ouais. Tu te retrouves avec des boîtes vides, sans couvercle. Puis après tu dis, mais je vais faire quoi de ce couvercle? Je sais pas où il est, moi. Tu peux mettre tes chaussettes seules dans tes boîtes. Mais non, mais les couvercles. Ah ben non, mais tu perds les couvercles. Ah, tu les perds carrément? Eh ouais. Genre tu... Bah tu sais pas ce que t'en fais. Mais t'es quand même pas très fort pour perdre un couvercle. Bah non. Écoute, je pense que tout le monde est content de voir que t'es capable d'avoir cette lucidité envers toi-même. C'est beau. Putain, c'est... Ouais. Ah non, non, mais... Allez. News suivante. Eh, hey, dis donc. Ouais, je sais pas pourquoi. Le motocultor. Tu connais? Yep. C'est le motocultor. Motocultor. A profité du pont de ce 1er novembre et du calme du Hellfest pour annoncer les dates de son édition 2019. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Eh si, je te le dis que c'est vrai. Le festival qui se déroulera donc le 15, 16, 17 et 18. Mais... Mais... Ça fait... Ça fait au moins plus que 3 jours. Bah ça fait... Ouais, et moins de 5. Moins... On est sur un 4 ? Ah, je dirais, ouais, à peu près. C'est un grosso merdo. Août 2019. Mais oui. Quasi demain. Mais attends. Toujours à Saint-Nolf. Avec deux F. Ah bon? Je sais pas. Si, il n'y a pas de... Une quatrième journée pour sa 12e édition qui commencera le jeudi 15. Avec au programme Excalibur, The Celtic Rock Opera pour un show exceptionnel et inédit en France. Waouh. Bim. Moi, je suis soufflé déjà, là. Non, bah, moi et tout. Voilà, j'ai envie de... Waouh. Excusez-moi. Alan Stivell. Alors, pour vous, ça devait être bizarre, mais même pour moi, je n'ai pas compris ce qu'elle avait. Donc. Ah, c'est un... D'accord. Et je n'ai toujours pas compris. Mais... Et Corvus Corax. Et Alan Stivell précise. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais mal. Non, mais tu réécouteras, tu vois. D'accord. Et Corvus Corax, mais dis-moi... Ne serais-tu pas un aficionados de Corvus Corax? Un aficionados. Ouais, ça colle bien, Corvus Corax, aficionados. Bah, t'aimes bien, toi. Pour un groupe allemand. Hein? T'aimes bien? Ouais, j'aime bien Corvus Corax. Tu vois, c'est pour toi. Ça fait, voilà, depuis moultes années que je connais Corvus Corax et que j'apprécie Corvus Corax. Qui, bien sûr, on sait tous le nom latin du corbeau commun européen. Voilà. Et des autres groupes folk à confirmer. Parce qu'ils n'ont pas été confirmés. Bah non, bah ça s'appelle du teasing. C'est ça. Mais bon, ils annoncent quand même que c'est des groupes folk. Donc déjà, on part sur... Ah ! Une petite balle dans le pied quand même. Un peu, ouais. Alors, bon. Donc, suite de la news. Alors, bah, les billets sont déjà en vente. Hein, c'est plusieurs cool. Formules. Pour le jeudi, Celtic, 41,50 en euros, hein, bien sûr. Oui. Pour les 4 jours, 119 euros. Hey, mais c'est pas cher. On passe promo de Noël. Et si jamais tu veux rester à la configuration habituelle ou que le folk celtique n'est pas ta cam, les passes 3 jours sont à 89 boules. Mais c'est un passe promo de Noël. Également. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mmh. Eh ben que si t'aimes la musique celtique, apparemment, t'es plutôt riche. Parce qu'il n'y a pas de passe promo de Noël. Non. Et 41,50€, bah, c'est quand même un peu... Après, les 4 jours à 119, c'est cadeau. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord. Par contre, le truc que je n'ai pas vu, parce que des petites choses où j'ai pu me renseigner, c'est que c'était en partenariat, la première journée, en partenariat un peu avec la ville aussi. Donc, ouais. C'est un truc un peu différent d'habitude. Mmh. Mais je n'ai pas vu, peut-être que toi, tu sauras me répondre, si ça se situait sur le site du Hellfest, tout pareil, du motoculteur, pardon. Alors, je pense que oui. D'accord. J'ai cru voir ça, à confirmer. Et que penses-tu alors du fait qu'il y ait une quatrième journée, qu'elle soit orientée un peu celtique? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on peut dire quand même que le motoculteur, ça reste le second festival que t'aimerais faire. Ouais. Et qu'en plus, c'est un festival qui a quand même eu des hauts et des bas avec une hésitation sur l'édition 2017, qui avait failli pas se faire. Et que là, l'édition 2018 a été très vite bouclée, je crois, en termes de vente. Ouais. Donc, et en termes de programmation, toujours assez forte. Donc, est-ce que une quatrième journée, c'est prendre un risque ou justement se dire, on fait une quatrième journée, mais on l'oriente Celtic, c'est... Moi, je pense que ça peut attirer un autre public, déjà. Ouais. Moi, je pense que c'est, en fait, exact, c'est très malin. Je trouve ça... Ouais. Et puis bon, bah, c'est en terre bretonne. Donc, bah, c'est pour ça, je pense que c'est bien vu, justement. Que ça, ouais, je trouve ça assez logique et plutôt bien, ouais, bien pensé dans l'idée, quoi. C'est original, ils tentent un truc, quoi, puis, c'est vrai. Ils se plantent, et puis ils se plantent pas, bah, peut-être qu'ils referont la même l'année prochaine. Nous, on a toujours dit qu'on est courageux, c'est qu'ils tentaient des choses. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que du coup, ça te tenterait un peu plus ou ça te tente toujours pareil? Bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi, franchement, ouais. Bah ouais, ça me tenterait, ouais. Très bien. Ouais, ouais. Eh bien, merci pour cette news, Bob. Bon, bah, salut. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Allez, à dans 3 semaines. Ouais. J'avais justement prévu de faire une blague à ce sujet, mais Live Nation a encore une fois été plus rapide que moi. Road to Hellfest, numéro 2 sur les... Il n'y aura pas d'édition française du Download Festival en 2019. Oh. Mais pour ceux qui suivent un peu Rock Hard, à la fin, ils avaient fait une interview justement des gens du Download et ça se sentait un peu mauvais du cul à la fin de l'interview quand même. C'était un petit peu... Oui, bon, bah... c'était pas ouf, quoi, cette édition en termes de fréquentation. En termes de fréquentation ? Oui, les deux. Mais puis même Ben avait un petit peu ironisé là-dessus pendant sa conférence en disant que certains festivals avaient du mal à remplir. Voilà, et que c'était ouais. Un peu... ils auraient donc toujours pas eu une bonne idée de se mettre le même week-end que le Hellfest. Voilà. Donc déjà premier point. Et donc c'est au travers d'un communiqué officiel que la nouvelle est tombée. L'agglomération Cœur d'Essonne et Live Nation France ont décidé d'un commun accord de reporter à l'été 2020 la prochaine édition du Download Festival. L'année 2019 sera utile pour réfléchir à une formule plus en adéquation avec les nouvelles aspirations du public et mieux adaptée aux nouvelles aspirations du site, plus vert, plus local, plus responsable. Alors déjà, là, c'est assez... Dis la baleine. Bah, déjà, je trouve ça un peu bizarre le côté une formule plus en adéquation avec les nouvelles aspirations du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut-être qui, je sais pas, peut-être d'affiches, Big Flo et Oli. Genre un Download Festival plus mainstream? C'est possible. D'accord. Écoute. Tu crois que ça serait le côté métal qui marche pas? Je sais pas. Bah, enfin. Non, mais de ce que j'ai lu, je sais pas si tu l'as noté, mais de ce que j'ai lu, ils veulent faire plus participer bah, attends, à la scène locale, c'est oui, ça? Justement, j'y viens. Vas-y, fais péter. Donc du coup je me suis perdu voilà. Dans le même esprit qui anime l'agglomération pour le développement de sa base et de son territoire, Live Nation désire revoir la formule du Download afin de multiplier des partenariats avec les acteurs locaux et proposer davantage d'animations liées au territoire. De l'autre, l'agglomération va pouvoir poursuivre l'aménagement de cette ancienne base militaire, la plus grande réserve foncière du sud francilien, qui attire déjà de nombreuses entreprises et événements grand public. Il donne rendez-vous aux festivaliers dès mars 2019 pour une annonce des dates de l'événement, une partie de la programmation et proposeront un Download innovant. Qu'est-ce que t'en penses, Jack ? Bah, pour moi, déjà, c'est un constat de demi-échec pas forcément assumé. c'est sûr. Pour vouloir proposer autre chose, par contre, c'est intéressant au moins d'être capable de se dire « Ok, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Revoyons tout le plan. Oui. Parce qu'on sait très bien que... Plutôt que d'arrêter le festival clair propre, ils veulent quand même le garder, mais... Bah, en fait, c'est qu'une partie du communiqué, parce qu'il était un peu long. Ils reviennent aussi sur le fait qu'ils parlent des deux années, des deux dernières années, mais ils ne parlent pas de la première édition qu'il y avait eu à Paris même. Là, ils se focalisent beaucoup sur le côté que ça se passe en Essonne, que c'est hors de Paris, qu'ils ont réussi quand même à faire venir beaucoup de monde, parce que c'est peut-être un semi-échec, entre parenthèses, on n'est pas non plus sur « oh là là, la tôle ». C'est peut-être un semi-échec pour un festival de cette taille-là, mais pour Live Nation, ça va, ils ont les épaules pour tenir. Donc ils auraient pu, je pense, vraiment refaire une édition en 2019. Ils auraient eu les fonds, ils auraient pu tenir. Donc est-ce que ce n'est pas justement une réflexion intelligente de dire « ok, on revoit notre copie, on essaye de voir ce qui n'a pas marché, ce qui peut marcher ». Parce qu'au final, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai entendu très peu de monde se plaindre du Download, en fait. Ouais. Je n'ai pas eu beaucoup de retours négatifs. Il y a eu peu de gens qui sont venus, mais il n'y a plus de retours forcément négatifs de ceux qui ont été. de ce que j'ai entendu. Mmh. Je dis pas qu'il y a pas, il y en a pas. Je dis moi j'en ai pas. C'est pas arrivé jusqu'à moi. Donc essayer de tenter quelque chose de différent, c'est bien. Que ça soit peut-être justement moins le côté de Live Nation qui se propage partout et qu'ils essayent d'avoir une identité plus propre à eux-mêmes. Pourquoi pas? Donc avoir. C'est ce dans l'air du temps. Ouais, mais avoir de ce qu'ils vont être capables de proposer. Et c'est plus vraiment le côté un truc en adéquation avec les nouvelles aspirations du public. Je suis assez curieux de ça, moi, de voir ce qu'ils peuvent proposer. Comme et du coup, qu'est-ce qu'ils entendent par là, en fait? Bah, c'est ça. Est-ce qu'ils vont se dire, le Hellfest a tout bouclé, machin, est-ce qu'ils font confiance à la programmation qui est très très large, donc ils vont tenter beaucoup plus de choses que ça? Parce qu'en termes d'affiches, le Download était quand même métal, mais métal rock, mais ouais, très très mainstream. Donc, il n'y avait que des gros groupes, que des grosses têtes. Donc, voilà. Moi, je suis curieux et voilà, c'est plutôt intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Donc, je vous propose qu'on arrête le podcast maintenant, puis on se retrouve en mars. Voilà. Pour, 2020. Voilà. Je pense que j'aurais un peu avancé dans Red Dead et je pourrais me consacrer. Je pourrais finir à 45%. News suivante. Bien sûr. Te souviens-tu, Jack? De quoi? Quand toi et moi, nous nous sommes rencontrés. C'était en vacances? Non, ce n'était pas à la bowl, mais en cellule. Et que jour après jour, renforçant notre amitié, nous avons finalement réussi ensemble à nous évader. Vois-tu où veux-je en venir? Non, pas du tout. Ah, l'Alcatraz, l'autre festival belge qui se déroulera à Coutray en Belgique du 9 au 11 août 2019, a annoncé ses deux premiers groupes, à savoir Meshuggah et Powerwolf. Eh ben d'accord. Voilà. Bah c'est cool. Ben voilà. C'est deux groupes que t'aimes bien en plus. Ben ouais, t'as vu. Surtout Powerwolf. Non, c'est l'autre. Ouais, non, Meshuggah. Ouais. Ouais. Non, Powerwolf. Powerwolf, c'est... Ah merde, c'est quoi l'expression de Joe? C'était comme Sabaton. Ouais, Sabaton. Ouais, c'est... Ah merde, attends, putain. C'est pas entraînant, c'est dansant. Ouais. Festif. C'est festif. C'est festif, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que Meshuggah, ouais, c'est assez festif. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'aime bien. D'ailleurs, je te rappelle que l'Alcatraz a toujours été un peu un festival qui nous fait un petit peu aussi envie parce qu'il avait une espèce de... une certaine imagerie. Pas une esthétique, ouais. Non plus, ouais, mais un début d'esthétisme. Ouais. Ouais, pas dégueulasse. Hein. J'ai lu le report qu'il y a eu de l'édition 2018. Ça avait l'air d'être plutôt pas mal de groupes sympas. Il y a toujours une bonne affiche. Une bonne affiche, ouais, à chaque fois. L'Alcatraz. Ouais. Très bien. Rammstein revient le 28 juin 2019 pour une date unique, à première vue, en France. Et ça se passera à Paris La Défense Arena. Connais-tu Paris La Défense Arena, Bob? Bah, pas grand-chose. Non, mais connais-tu? Ah, je connais-tu? Oui. La Défense Arena, non, ça me dit rien. Eh ben, c'est une grande salle, l'une des plus grandes arènes indoor hors de France, c'est sûr, d'Europe, je ne sais plus, et qui a vraiment une scène immense, et comme c'est un système d'arène, tu es bien placé partout, presque. Mmh. Et c'est vrai que j'ai été voir quelques... Enfin, en tout cas, j'ai été voir leur vidéo de « Regardez comment c'est bien chez nous !» Et c'est vrai que ça fait plutôt envie. Et imaginez Rammstein dedans, qu'on rappelle qu'il avait déjà fait les arènes de Nîmes. Oui. Ça fait un peu rêver. La billetterie a donc ouvert le 8 novembre et bien sûr annonça un sold out très rapidement. Du coup, dans la foulée, il y a eu une seconde soirée d'annoncer, à savoir le lendemain, le 29 juin. Par contre là, j'ai pas réussi, alors j'ai pas vu la mise en place des ventes, alors si elle est passée, elle doit être sold out aussi, ouais. Mais j'ai zappé, donc je ne sais pas du tout. Je pense que oui. J'ai rien vu non plus. Mais c'est pour ça, en fait, je suis... Et j'ai essayé d'aller voir pour prendre des places et marquer qu'il n'y en avait pas avant. Donc peut-être qu'il y a eu un truc que j'ai complètement foiré. Donc si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. Oui. En tout cas, ça, j'ai essayé pour voir de prendre des places et je n'ai jamais réussi à quitter l'écran de la file d'attente non plus. Oui. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien revoir Rammstein en tout cas. Oui, puis en concert. Ça... En concert. En concert, quoi. Voilà, ça doit être vraiment festoche, intéressant. Oui. News suivante. Bien sûr. C'est lundi dernier. Ah bah oui, exact. Mais de même que le Motocultor, encore eux, ont lâché une première salve de groupe à l'affiche de cette 12e édition. Dans le désordre, At The Gate, Vatain, Hypocrisy, Sacred Reich, Decapitated, Galsward, Aborted, Arakiri from the, for the Sky. Ah oui, From the Sky. J'aurais trouvé ça joli. Gronibar, Anal Natrak, Cancerbat, Skeleton Witch, Hawks, Crown et Henry Death and the Grand Gamin. Et encore 50 groupes à annoncer. Je te trouve très peu respectueux des noms des groupes. Non, je respecte beaucoup. Bah, t'as eu du mal à les dire. Anal Natrak qui t'a... Ouais, un peu mal. Ouais. Connaissais-tu Henry Death et ce grand gamin ? Non, je connais Henry Death, mais les grands gamins... Eh ben, j'ai été écouté. Mis à part toi. Oh, c'est un compliment ? Je sais pas. Ah d'accord. J'ai été écouté un peu par curiosité. Eh bien, nous découvrirons ça tout à l'heure. Ok. En fait, faut que t'imagines Henry Death. Ouais. De base. Et juste un batteur et un guitariste qui viennent avec lui rajouter un peu de rock. Mais ça change rien, en fait, ça reste... Enfin, j'ai pas écouté beaucoup. J'ai vu une vidéo live, donc les gens avaient l'air de vraiment aimer. Moi, je dis, ça marche pas vraiment, mais bon. Ouais, on a en festival, hein, ça ouais. peut. Dans une compile, dans une playlist. Voilà, ça passe tout seul. Alors, comment trouves-tu ces premiers noms annoncés ? Oh, bah, je les trouve bien. Ouais. Est-ce que ça te redonne envie d'y aller ? Ça, alors, plus Alan Stevens ? Je ne connais pas tout. Non. Moi non plus. Je ne connais pas tout. Mais après, c'est toujours pareil. Il faut voir la fiche complète. Mais là, déjà, ce qu'ils ont annoncé... Déjà, il y a At The Gates, hein, que tu pourrais enfin ouais, voir. Ouais, carrément. Ça, c'est... Ouais, Vatain, peut-être, pour le show. Musicalement, j'accroche pas, mais... Le mec devient black metal. Ou Vatain. Après, non, je connais pas. À bord de nom. Gronibar, forcément, hein. Cancerbat aussi, de nom. Aborted, si, on les a. Ils sont passés récemment. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et je connais de nom, mais après, est-ce que. Bah. Il y a tellement de groupes qu'à la fin. En fait, en plus, moi je me demande, c'est comment ils font les gens pour retrouver des groupes ? Je veux dire, comment tu fais pour fouiller ? Parce que je. Comment ça, les organisateurs, tu veux dire ou... Ouais. Bah après, ils doivent faire beaucoup de concerts, donc de premières parties et de trucs, mais... Ouais. C'est une bonne question. En fait, moi, je suis sûr que j'ai pas le bon radar, déjà. Ouais. Je découvre très peu de nouveaux trucs, donc... En fait, j'en découvre si beaucoup, mais pas de ce niveau-là. Ouais. Je dois pas avoir les bons trucs. Faut que je refasse mieux. Tu crois ? Ouais. Ouais. On enchaîne ? Bah vas-y, fais donc. Faits divers et variés. C'est un jeu de mots. Ah, est-ce que tu as Netflix, mon bon Bob ? Oui, depuis hier. Ah oui ? depuis avant-hier. Comment ça se fait ? T'aimes bien ? Ça a l'air bien comme ça, dis donc. T'as vu ? Y a plein de trucs. J'ai commencé Stranger Things. Ah, t'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Ouais. Et t'as vu, si ça, jamais... Ça te tient. Si jamais tu t'arrêtes... Eh ben, il te remet... Pile poil où tu es. Funaise. C'est louf. Complètement louf. Alors, peut-être. Mais tu étais censé me répondre non. Donc, on recommence. Merde, c'est con. Est-ce que tu as Netflix, mon bon Bob ? Ah, bah non, c'est quoi ? Non, c'est. Ah oui, non, ah bah non. Peut-être dans ce cas, as-tu déjà entendu parler de la sortie d'une série intitulée Sabrina ? Oui. Adaptation des comics du même nom et le reboot également de la série des années 90. Oui. Tu sais, là où il y avait le chat ? Oui. Salem ? Oui. Ben, sur Netflix, ils ont fait une série. Oui. Donc, il reprend le comics. Oui. Et donc, pas la série des années 90. Oui. C'est-à-dire qu'elle est très, très sombre. Oui. Comment ça, oui ? Mais tu me dis oui parce que tu dis oui pour me faire plaisir ou tu sais de quoi tu parles ? Non, j'ai vu vaguement ça parler vite, enfin, passer vite fait. La news ? Oui. Ah, mercredi. Bon, moi qui essaye toujours de te surprendre. Bref. Mais... mais si, avec le chat qui parle, ça l'est. Bon, n'ayant pas lu les comics, je ne parlerai donc que de la série des 90s. Il se trouve que cette série est beaucoup plutôt sombre. C'est vraiment fait avec des bouts de ficelle, hein, sérieux, putain, foutu podcast. Waouh, voilà. Alors, cette série est beaucoup plus sombre et a été attaquée par la secte satanique Satanic Temple, et plus particulièrement son chef, Lucien Greaves. La raison, la représentation dans la série d'une statue du Baphomet, une statue mi-homme mi-chèvre, financée et créée par The Satanic Temple. Donc, Lucien demande à ce que la statue soit retirée de la série. Sur Twitter, beaucoup de gens lui ont répondu que cette image ou représentation du Baphomet était tombée dans le domaine public depuis des siècles et que donc largement utilisée avant la création de la fameuse sculpture. Voilà, je trouvais ça amusant, les mecs, ils ont rien à faire. Dis donc, il y a une série sur Netflix. Bon, on va leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Ouais, c'est à nous. Ouais, c'est à nous parce qu'on est des sataniques. Et qu'on n'a rien d'autre à foutre. Hein ? En ce moment, il y a très très peu d'activités sur Dieu. Donc bon, nous, on est un peu reclus chez nous avec... de trucs, on n'est pas super super populaire déjà. Voilà. Bon, en plus il y a Trump qui nous fait un peu de l'ombre en disant ça, donc voilà. Donc ça m'a fait assez rigoler. Et au passage, cette série est pas ouf. C'est en fait, je dois dire que je la regarde plus pour le, comme j'ai pas lu les comics, pour pouvoir, comme c'est comme s'ils avaient pris une série un peu de ton enfance et qu'ils l'avaient vraiment, ils lui avaient tordu le cou, quoi. C'est vraiment... Ah oui ? Ah, c'est dark, hein. D'accord. C'est dark. Mais pas dark pour adulte fort, c'est plus pour grand adolescent, voilà. Donc, c'est pas non plus... Mais C'est plus... comme Cold Lisa, tout ça. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment, c'est comme si tu prenais un univers que tu connaissais enfant et que c'était pas du tout pareil maintenant. C'est plus ça. Ah, mais ça va loin, quand même. Donc, ouais, donc ça veut dire qu'ils avaient complètement enjolivé le truc à l'époque. Ouais, ouais, bah, sûrement. Après, bon, j'ai jamais lu le comic, je sais pas du tout... D'où c'est qu'il est. Je savais même pas que c'était basé sur un comics. Bah, je le savais pas non plus, je l'ai appris depuis. Ah merde, faut que tu sautes la prochaine news. Ah, flûte. Faut que tu passes à la prochaine. Parce que après, c'est toi. Bah oui, j'ai merdé dans l'ordre. Hey, tu connais Tobias Forge? Oui, c'est le leader de Ghost. Hey, c'est, bah, il s'est exprimé quant au prochain projet du groupe. Ah bah, c'est cool. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu pourrais presque le citer? Ouais. Oui, alors, entre guillemets, mon intention n'est pas de simplement sortir un autre EP de reprise. Il pourrait y avoir autre chose l'année prochaine qui, possiblement, a déjà été enregistrée et ne serait pas des reprises. Mais c'est fou ! Mais bien sûr ! Si la production au niveau des concerts atteint l'objectif que je recherche, là c'est lui qui s'exprime, hein, c'est, oui, c'est pas moi. Toi, non. Et si nous trouvons à jouer deux dates dans une salle accueillant la production complète, et que c'est géographiquement situé. Parce que c'est des phrases compliquées, quand c'est même. Bah, hein, Tobias, c'est un projet compliqué. Hein. C'est clair. Situé à un endroit où il y a un public très, très, très fervent et vivant, j'adorerais enregistrer un film. Et oui. Il a dit le mot film. Oui. Une captation visuelle live. C'est plus tout à fait un film. Enfin, ça reste un film. C'est pas pareil. Le problème est que ça ne s'improvise pas. Il faut le faire dans une salle où on joue deux soirs de suite. Il faut que les deux soirs affichent complet. Il faut que ce soit énorme. Et il faut des spectateurs très très vivants et amusants à filmer et à regarder. Voilà. Voilà. Ça me rappellera un petit peu. Donc il faudrait, si j'avais plein d'argent et que j'avais pas plein d'occupations et que je pouvais faire ce que je voulais, eh ben, je crois que la vie, ça serait plus simple. Ouais. C'est et bien. Si. C'est bien, de, en tout cas, de voir que le mec s'arrête jamais. Voilà, là, ils sont en pleine tournée. Ils vont tourner avec Metallica. Il a déjà quasiment, apparemment, un truc qui est déjà enregistré. Donc, voilà. Voilà, c'est bien. Quoi, le mec s'arrête pas. Si, je pense qu'il doit vivre dans un univers parallèle. Où les journées font 48 heures. En plus, il a gagné son procès récemment. Donc bon, en plus, ouais, ça lui a redonné un petit coup de... Il doit être détendu, comme on dit. Allez, à moi. Adieu. Ok. C'est le premier mot du communiqué d'Acme pour annoncer la fin de sa carrière. Et voici le message publié sur Facebook le 11 novembre. Les amis, c'est le cœur lourd que nous vous annonçons que l'année 2019 sera la dernière pour Acme. Après 8 albums, des centaines de concerts et autant de moments magiques partagés avec vous, nous sentons que nous sommes arrivés au bout de notre aventure humaine et artistique. Alors c'est fou parce que moi j'avais bien bien aimé, hein, leur dernier album. Mais nous n'allons pas partir sans vous dire adieu une dernière fois en concert pour une série de dates exceptionnelles. Nous vous préparons également plein de surprises à venir pour célébrer ces 20 années passées avec vous. On vous en dira plus très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Il faudra bien se souvenir de l'avenir. Alors vie, accroche ton sourire. C'est des paroles d'une chanson. Quelques jours plus tard, les dates de la tournée ont été annoncées et elle commencera le 13 mars 2019 à Toulouse, au Métronome. Ensuite, passera par Le Mans, Marseille, Mezental, Metz et Strasbourg. Non, pardon. Mezental qui est entre Metz et Strasbourg. Lille, Arlon qui est en Belgique, Liège en Belgique, et Nantes le 2 mai 2019, ainsi que Brest. Alors, j'ai noté Nantes parce que c'est potentiellement la seule date où... Où tu pourrais éventuellement y aller. Oui, parce que comme je l'avais marqué en postant, en repartageant leur communiqué, je les ai jamais vus en concert, et bah, en fait, c'est le moment, je crois. Si jamais tu veux... Oui, je pense. Potentiellement, c'est le moment. Voilà, donc je sais que toi, t'étais pas... T'as à peine écouté, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, bah c'est cool, faut écouter. D'accord. Est-ce que tu penses qu'ils seront programmés au Hellfest ? Allez, moi, je balance. Aucune idée. Là, franchement, j'ai aucun pronostic là-dessus. Bah, je dis ça parce qu'ils ont été, ils sont aussi normalement avec Rage Tour. Donc, il y a moyen de... Ah, peut-être. Ouais, je sais pas. Tu vois. Et par rapport à quoi tu te bases pour Rage Tour ? Bah, parce que Rage Tour arrive souvent à placer pas mal de ses groupes. Oui, mais par rapport au Hellfest, bah parce que c'est leur dernière fois où ils pourront venir, donc ça fait un peu une tournée d'adieu, on vient faire. Oui, dans ces cas-là, oui. Ouais. Ça se fait. Ouais, tout à fait. Bah ouais, je pense que ça se fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc okay. Tu penses qu'ils seront là ? Oui, d'accord. Bah cool. D'accord. Bah d'accord. D'accord. Eh ben, vous pourrez dire, vous l'avez entendu pour la première fois chez Road to Hellfest, hein, par Bob. Hein. Ouais, attends. Allez, ouais. Dernière news. Oh, mais pour faire taire les... Pardon, je vais la refaire. Oui, tu peux, ouais. Ah là là là là. Pour fêter leur 10e anniversaire, le Bal des Enragés annonce une tournée de 10 dates. Tu vois. C'est pas original, mais plutôt efficace. D'autant plus qu'une date se profile dans nos contrées, à savoir le 6-4-2019. Au Normandie, à Saint-Lô. Oui. Normandie. C'est ça. C'est Manche. Ouais. Oh, comme tu précises. Et comme je le sens bien, j'annonce également une participation au Hellfest. Alors toi, c'est pas chier. Toi, putain, deux groupes ce soir, t'annonces. Wow. Ouais, mais attends, faut se lancer. Hein. Moi, je tente des trucs. Je tente des trucs. Et là, tu me coupes les pattes. Laisse-moi te dire que tu me coupes les pattes. Ah bah merci. Acmé et le Bal des Enragés. Ouais. Non mais bon après... Bonne manière, on saura demain. Oui, voilà. Ça. Ah ouais, toi t'annonces toi. Quoi ? Demain. Et depuis le début, je dis que c'est demain. Ok. Donc, jour des enfants, tout ça. Ah non mais je c'est demain. Ah ok. Ça m'arrange pas. Hein. Ouais, moi non plus. Et bah donc, je peux dire que demain, 18h-18h30, je suis là. Hein. Ok. Donc... Ah ouais. On fait un petit truc, une demi-heure, on fait « Oh oui, cool, machin », et hop, ouais. On part. Connais pas. Voilà. Ok. Très bien. Bah, vas-y. Donc, c'était la fin de ces news. En même temps, comme ça fait déjà 43 minutes, c'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. On va passer aux quelques news Hellfest qu'on a. Si, on en a. Arrêtez les vos conneries. On en a. Oh, allô, t'es... Genre, ils ont rien dit, garde le silence. Arrête. C'est bien mal les connaître. Le 6 novembre, le Hellfest est sorti de sa grotte pour un message. Amis festivaliers, nous savons que vous attendez ardemment les noms qui composeront l'affiche du Hellfest 2019 et nous vous demandons encore un petit effort et encore un peu de patience. Nous mettons toute notre énergie pour vous concocter une affiche à la hauteur de vos espérances. En attendant, comme chaque année avant la révélation, nous vous invitons à partager avec nous vos prospections, vos attentes ou vos souhaits sur les pépites de l'underground ou sur les éternels géants qui doivent participer au Hellfest 2019. Merci à tous. Et c'est juste en dessous de ce message que notre très cher Bob a à peu près mis 75 groupes. Voilà, le mec... Moi, pied de la lettre, je poste tout. Voilà. Donc, et encore, j'ai pas tout posté. Parce qu'il y en a plein. Et c'est là qu'on ne s'est pas compris dans nos messages. Parce que je t'ai dit, ah bah super, le mec commente mais partage pas la news. Ah oui. En fait, c'était ça que je te disais. Mais partage la news sur la page. C'était ça que je voulais. Ouais, d'accord. Mais non, mais c'est moi des fois. C'est, ah, c'est entre deux, tu sais. Je fais vite les choses. On voit le professionnel. Hein. Bah non, justement. Non, justement. Ouais. Bah non. Pas du tout. Voilà, donc en tout cas, une news qui a un petit peu. Bah, moi qui m'a un peu refroidi sur le coup en me disant ah, ah, puis non. Ouais. Je m'attendais un peu à une suite. Parce que je vous rappelle qu'à la base, on a une enquête. Hein. Je veux dire qu'on n'aura pas essayé de décrypter un code. Et que là, c'est un petit peu. C'est retombé comme un bon gros soufflet, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu décevant, mais bon. C'est pas grave parce que le. C'est à toi. 9 novembre, le Hellfest est sorti de sa grotte à nouveau. Ouais, c'est avec un nouveau message à décrypter. Ami festivalier. Entre parenthèses, c'est pas moi. Ami festivalier, la révélation de la programmation complète du Hellfest 2019 s'annonce pour le mois de novembre. Le 21. Et nous vous remercions encore de la patience que nous vous a accordée. Ils ont écrit ça comme ça, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Dans l'attente de cette annonce tant désirée, nous aimerions savoir si le Hellfest 2018 mérite d'être élu meilleur festival européen. Point d'interrogation. Ça, c'est à vous d'en décider maintenant. C'est la deuxième fois que nous concourons sur l'échelle européenne. Seulement quelques jours pour nous placer sur le podium clôture des votes le 30 novembre. Eh bien, je dois dire que j'ai essayé de toutes mes forces, j'ai rien décrypté dans le message. Apparemment, c'est vraiment juste pour se faire élire. Pour voter, ouais. Ouais, je crois. Ouais. Non, il n'y avait pas. Il ouais, n'y a pas caché. Genre, non. Hey. Non. Je sais pas. Mais non, il n'y a pas. Ouais, non. Ça me faisait rire de le faire comme ça. Ah bah ça. Eh bah, je serais tout seul là. C'était là. C'était là. Ouais. Non, non, ça me faisait marrer de dire oh, bah, c'est un message codé. Ouais. En fait, pas du tout. Non, non. Voilà. Non, parce qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Et du ouais, coup, non, mais... tu vois, ça collerait pas, je veux dire. C'est ah, pas oui, bah, merde. Ah, flirt. Bah ouais. Bon, bah alors ça, c'était les deux grosses news du festival en lui-même. Enfin, il y en a une dernière qui n'est pas vraiment une news du festival, mais qui a fuité un peu. Donc ça, c'était les deux grosses news. Maintenant, on va passer à l'actualité en parallèle du festival. Enfin, en parallèle collé quand même, on n'est pas non plus... Oui. À savoir le culte. Je sais pas. C'est le 31 octobre que les passes... Ouais. Oui, si ça passe. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est gentil. Merci. Pour toi. C'est le 31 octobre que les passes du culte ont été ouverts à la vente et il semblerait que le culte soit sold out avant même le début des préventes à cause d'un nombre très important de réabonnements. Les passes premium mettent plus de temps à se vendre, on doit en être à 80% je crois. À cause du prix de 149€, un peu difficile à sortir malgré la qualité à première vue du trophée collector de 600g. Un trophée qui te faisait drôlement envie. Oui. Doit-on le préciser ? Moi, ouais, je pense qu'il aurait fait bien dans la... Dans ta chaufferie. Dans ma petite chaufferie. Oui, donc du coup, effectivement, ça a été... je crois que ça a dû mettre moins de 2 minutes, moins de 3 minutes pour être vendu. Il y a effectivement eu énormément de réabonnements et donc les quelques places libres ont été vraiment très très dures à avoir. Par chance... Nous avons réussi à avoir notre premier pass culte. Voilà. Donc nous sommes officiellement des culteux. Yeah. Alors que nous tenons à rappeler que nous n'avons pas de place. Voilà. Et on ne vole personne. On l'a payé. Voilà. On a vraiment. On a fait les choses comme il se doit. On a acheté notre pass culte. Et donc maintenant, on va essayer de trouver des billets. Parce que nous, un moyen de rentrer. Une barrière mal fixée. Peut-être. Un trou, une grotte. La grotte. L'autre côté de la grotte, peut-être. Certainement. Voilà, parce qu'on l'avait déjà dit plusieurs fois, on l'avait dit l'année dernière, nous on souhaitait aller au culte pour avoir vraiment un regard de nos propres yeux pour voir comment ça se passait vraiment et avoir un retour autre que ce qu'on a pu avoir dans l'émission via Richard qui était venu en parler l'année dernière ou Steph qui était culteuse et qui nous en a beaucoup parlé, toujours en disant hey, mais vous pouvez pas rentrer, enfin des trucs classiques de culteux. Ouais, c'est ça. Et donc, ma première question, on va faire un petit retour sur le culte. Donc, par contre, on a eu tous les deux, on a pris des passes classiques à 59€, plus 75€ de frais de port. Non, il y avait combien? Il y avait. Ça devait revenir à 64. 4, je crois. Ouais, il y avait cher de frais de port, mais bon. Alors, ma première question est celle-là. Une fois que tu avais pris ton pass, ça t'a fait quoi d'être occulte? Oh, la question de merde. Bah, je me suis senti un homme nouveau. D'accord. Ouais. Non, parce qu'il t'a quand même fallu attendre jusqu'au 9 novembre pour qu'il se passe quelque chose. Mais ouais. Parce que du coup, t'as pas été un petit peu... Je t'ai senti impatient pendant toute cette période. Donc, putain, t'as reçu un truc, toi? J'ai reçu un truc. Non, plutôt à me dire, merde, est-ce que ça... Voilà. Mais je crois savoir qu'il y a un mec qui s'occupe de ça. Un seul mec? Ouais. Ah, ça doit expliquer alors. Voilà. Et du coup, bah, chapeau à lui, déjà. Hein? C'est clair. J'ai plus son nom. Ah bah, je... Guillaume, je crois. Ah, carrément, waouh, ouais. De mémoire, je crois que c'est hey, ça. T'es un média, mec. Guillaume culte. Et voilà, non, j'étais assez impatient de voir bah, un petit peu le packaging, forcément, ouais. Le truc. Quoi. Et donc, tu l'as reçu il y a à peu près une semaine et demie. Une semaine et demie, ouais, ouais, à peu près, ouais. Donc bah, pas déçu. Toi, tu n'as pas été déçu. Non, non, bah, parcimonie, forcément, on m'a fait « Ah, je m'attendais à un truc plus gros !» Et toi, derrière, tu fais « Ah, je m'attendais à un truc plus gros !» Moi aussi, ouais, je m'attendais à... Mais c'est en fait, vraiment bêtement, parce que dans mes souvenirs, il y a quelques... Bah, ma première année, je crois que j'avais voulu le prendre, et il faisait plus imposant. Et en fait, c'est juste que quand tu lis le descriptif, et que tu reçois ton truc qui est un peu plus épais qu'un chéquier, on va dire. Ouais. Et que tu l'ouvres, que tu sors ton patch... Et c'est, par contre, c'est super beau, enfin, c'est hyper esthétique. Ouais. Mais tu sors ton patch, le disque qui est sûrement donc là pour remplacer le pass d'entrée. Ouais. Tu fais voilà. Ouais. Tu fais juste... ouais, c'est un peu le cadeau de Noël que voilà. T'as un jogging à Noël quoi. Bah, non, c'est un peu mieux qu'un jogging quand même. non parce que je veux dire, c'est le. Ok. C'est parce qu'en fait, le culte, c'est pas justement que ça. Donc, et c'est là où on va pouvoir, un peu plus détailler le truc. C'est parce que nous, on s'en rend pas compte en fait pour l'instant. Pour l'instant, non. Voilà. On s'en rend. Quand t'es tout nouveau culteux, forcément, tu te rends pas compte du truc. Bah, on imagine plus qu'on se rend compte. En fait, voilà. Ouais. Mais en fait, et encore, on n'imagine pas. Ça reste de l'ordre du fantasme, tout ça. Ouais. Tu bois quelque chose? D'accord. Je vais te prendre un petit mojito. Très bien, très bien. Alors, je te prépare ça tout de suite. Ok, c'est cool. Bruit du checker. Bruit du peeling, de la glace pilée. Et de la menthe. Ah, pas mal. Oh. Ok, super. Bah ouais, du coup ouais, ah. Merci, mais il manque un peu d'eau pétillante dans ton mojito. Un petit attends, peu. Attends, bouge pas, j'ouvre une bouteille en verre. Oh. Ah, bah c'est... Non. Non, non. Ah non, j'ai eu peur. Bah écoute, Chabalio, hein. C'est un bon mojito. C'est donc le 9 novembre que les choses sérieuses ont commencé à bouger avec un gros mail, un très gros mail d'ailleurs, où ils expliquent tout. Voilà. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Donc avec déjà le principe de merchandising spécial, spécialement pour le culte. Mm. Avec bah, pas mal de trucs intéressants. Tu sais que je me sens un peu... je me sens bizarre. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je me sens un peu... Ah, oh, tiens. Ah, merde. Ouais, non, je me sens... je me sens un peu gêné. Ouais. Voilà, je... je sais pas trop comment le dire. Donc, je vais le dire comme ça. Ah, merde, j'ai fait une connerie. Ah voilà, c'est bon. Alors, j'ai fait une toute petite... Voilà, je reviens là. Je reviens ici. Voilà. Alors, là où on peut acheter des pins... un mug, des... Vintage, hein, le mug, hein, s'il te plaît. Oui, pardon, excuse-moi. Effectivement, un mug vintage, des magnettes, un petit miroir, des vestes Teddy, des sweats, des t-shirts, des trucs que avec des... À l'effigie de... Du FS Cult, avec voilà. Des designs bien, bien particuliers, et plutôt pas dégueu. Ouais, ouais. Tu as un accès... on appelle ça un upgrade possible, ouais. Pour aller en VIP, donc en plus. Et tu as bah des patchs que tu peux acheter, bien sûr, le truc classique. Également, on en a déjà parlé, des nameplates, donc oui. Une plaque que tu viendras mettre sur ta veste de support Hellfest, la fameuse veste à 110 boules. qui fait signe que tu es vraiment toi aussi un culte. D'ailleurs, je... Plaque en pas... bronze, hein, s'il te plaît. Pardon ? En bronze. Hein, en bronze, la plaque, tout à fait, pas la veste. Ça ferait un peu bizarre. Ce serait un peu chiant à porter. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si... Moi, j'ai entendu parler de gens qui ont eu cette veste et qui se sont fait emmerder par des bikers. Ouais ? Ouais. T'es con, toi. Enfin, gentiment, mais voilà, qui leur ont dit « Ouais, t'as pas à porter des vestes. » « Non, mais les gars, c'est pas la même. »« Ouais, je vais pas le savoir. » Voilà. Donc, suite... derrière... Je ressens comme une espèce de gêne. attendez, excusez-moi, j'ai perdu mon document. J'ai perdu mon doc. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Je me sens un peu comme... je me sens un peu comme dans Tintin au Tibet. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc j'en étais là. Alors, il y a aussi... des soirées liées au culte, donc des soirées bien sûr privées, que personne ne peut rejoindre s'ils ne font pas partie du membre, sauf certaines soirées exceptionnelles. Par exemple, celle qu'on a pu voir sur Facebook, même quand on n'en est pas membre du culte, c'est la soirée du réveillon du 31 décembre, avec un programme, mais gigantesque. Et là, on a le droit de venir avec certains membres qui ne sont pas du culte. Donc, c'est une soirée où nous n'irons pas. Voilà. Déjà, voilà. Premier point. Mais qui a l'air vraiment d'être pas mal. Hein. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Moi, j'ai proposé à ma colocataire, tu étais là d'ailleurs, ouais. Et elle a dit non. Hein. Ouais. Un non assez ferme et définitif. Bah, oui, c'est dommage. Bah oui, et toi, alors pourquoi tu vas pas ? 4 enfants. Mais tu peux les emmener ? Ouais, ok, d'accord. Du coup, il y a aussi la liste de tous les prochains événements officiels à venir. Donc, il y a quand même pas mal de soirées de prévues. Et après, il y a la liste complète des différents chapitres. Et à savoir que les chapitres, qu'est-ce que c'est que c'est ? Au début du projet Hellfest Cult, se sont montées des antennes basées sur des centres d'intérêt ou des rapprochements géographiques. Les chapitres créés et gérés bénévolement et indépendamment par de simples membres du culte. Nous invitons les présidents, s'ils le souhaitent, à organiser leur event de rencontre pour fédérer la communauté. Vous pouvez les intégrer si vous le souhaitez. Nous rappelons que ces chapitres ne sont pas des annexes officielles du projet Hellfest Cult ou Hellfest. Nous les acceptons, nous les tolérons tant qu'elles ne vont pas à l'encontre du projet initial Hellfest Cult. Nous invitons d'ailleurs les représentants de ces chapitres à nous consulter ou s'assurer que leur action n'interfère pas avec les nôtres. Le bureau du Hellfest prend en charge uniquement les événements officiels du Hellfest Cult. La mise en relation avec la direction du Hellfest, la préparation de votre espace club pendant le festival, les visites backstage et la mise en vente des upgrades VIP, toutes les opérations mises en place par les antennes dites chapitres ne rentrent pas dans le schéma officiel du projet initial. Nous rappelons que Hellfest et Hellfest Cult sont une marque déposée et protégée, non libre de droit. C'est là le point que je disais. Ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, nous aussi, on utilise le... Ah oui. Tu vois, c'était le genre de truc ouais, okay. qu'on peut demander déjà, savoir. Voilà. Donc, nous, on va faire donc le chapitre Road to Hellfest. Voilà. Voilà, donc... Ça va être mignon. Donc, à première vue, toi, tu as pu remarquer qu'il y avait un chapitre pour la Normandie. Ouais. Et as-tu vu d'autres chapitres qui t'intéressent ? Qui correspondent à ce que tu as. J'ai pas vraiment tout fouillé, mais ouais, j'ai forcément été chercher le chapitre normand. Ouais. Les normes MAD, ouais. De leur nom. Après, voilà. J'ai pas été voir plus que ça sur les autres, comme. Est-ce que tu... N'ayant pas le temps pour l'instant. Est-ce que tu crois que tu vas en rallier un ? Écoute, on va bien voir. Est-ce que tu crois que tu vas en rallier plusieurs ? Écoute, on va bien voir. Et toi donc ? Bah, je pense celui de la Normandie pour avoir ce qui se passe justement directement dans le coin. Ouais. Après, j'ai vu qu'il y en avait vraiment certains selon centre d'intérêt. Ouais. En fait, j'ai pas envie de. Sur le principe, je dirais ah cool, je vais faire tout ce que j'aime. Mais j'ai pas envie de me créer des trucs où je pourrais pas aller parce que je serais pas disponible. Ça va plus me frustrer qu'autre chose. Mm. Par contre, je trouve la démarche plutôt très sympa. Ouais. Voilà. Donc. Voilà, grosso modo, pour en venir quand même à la base, le Hellfest Cult, c'est le fan club du Hellfest. Mmh. J'aurais peut-être dû commencer par là depuis le début. Mmh. Et donc, ça a été créé pour les gens qui veulent vraiment montrer encore plus leur appartenance en tant que fans du festival. Ouais. Et donc, ils ont un endroit qui leur est dédié au sein même du Metal Corner, avec entrée interdite à tous les autres gens, des soirées de folie, Ouais. Et des concerts aussi, voilà, des concerts et des soirées qui durent jusqu'à 4h du matin, et des concerts en plus. Avec des DJ. Voilà. Tout ça. Donc, une piscine aussi, je crois. Bah, ça dépend où. Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, tu peux ramener la tienne, si tu veux. Cool. Mmh. Bref, un truc en plus pour les pour être encore plus fan, voilà. Voilà. Donc, nous, on y va en tant que médias. Pour nous, c'est l'investigation. Donc, c'est ça pour vous, hein. Nous, vraiment... bon, on est quand même un petit peu curieux de voir commencer. Bon, mais on y va quand même, voilà. Ouais. Pour la recherche. C'est surtout ça. Voilà. Est-ce que tu t'occuperais pas de l'autre news du Hellfest, celle qui a fuité? Attends, dis-moi tout. Dis-moi tout, le... Ah. C'est ça? Il est trop drôle, je n'en peux plus de cet humour. Ah là là là là. C'est bien ça, hein. C'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. Donc, Tool... Depuis le temps. Ah bah. Sera au Hellfest et il semblerait que ce soit Radio Metal qui ait eu l'annonce de cette officialisation. En effet, l'organisation du festival nous a confirmé la véracité de cette information qui avait été partagée quelques heures auparavant par l'agence de booking international Talent Booking qui s'occupe des intérêts de nombreux artistes dont forcément Tool. Il est d'ailleurs probable que les plus perspicaces d'entre vous qui suivent l'actualité du Hellfest sur les réseaux, genre Twitter ou Facebook, avaient compris la symbolique du code secret sur la ligne téléphonique, le jeu de tonalité faisant deviner la présence de Tool à Clisson. Le groupe américain se produira au Hellfest Open Air le dimanche 23 juin. Voilà. Et voilà. Donc... ça va, tout le monde. On l'avait plus ou moins deviné, mais en fait, quelque part, je suis un peu... Je suis pas dégoûté, je suis un peu déçu de l'apprendre comme ça. Tu vois, ouais. J'aurais préféré qu'on dise ah, et bah effectivement, ce qu'on vient découvert le code, c'était bien ça. Ouais. Parce que du coup, s'il n'y a plus rien derrière, tu fais oh. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est un peu comme s'il s'était empêtré dans un truc et que y a eu deux, trois choses qu'on fait que bah ils ont peut-être pas été au bout du truc. Donc on verra avec l'annonce officielle, peut-être que l'annonce sera faite d'une certaine manière. Ouais, bah. Mais en tout cas, sinon, bah, tu sais, ça fait genre bon, bah, Radio Métal, ils ont ouais, bon, bah alors les gars, c'était bien ça et tout. Ouais, c'est ça. On est dégoûté. Carrément. C'est un peu ça, quoi. Donc. Ouais. Mais, en tout cas, personnellement, si c'est le cas, je suis très content que Tool soit présent, car c'est un des groupes que je n'ai jamais vu et que j'ai très envie de voir. J'aime beaucoup ce groupe. Ouais. Après, ça sera sûrement main stage. Ça sera sûrement compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais bon, faudra être devant, c'est sûr. Donc voici pour les quelques news qu'on a eues. Il n'y a pas eu l'enquête et bon, pas beaucoup avancé. Il n'y a eu pas d'autres grosses fuites non plus. Il y a peut-être 2-3 trucs qui ont été dits, mais bon, on est sûr de rien. Donc bon. Après, c'est des suppositions parce que les groupes passent dans le coin à ce moment-là. Ouais, voilà, il y a pas mal comme de Liner Skyner, comme... Oui, exactement. Bah, ce qui a été annoncé, oui, par... Ouais, après, il y a pas mal d'autres groupes, quoi. Donc on en saura pas d'autres noms plus de... Oh, excusez-moi, pardon, non, bah, je suis levé depuis tôt aussi, hein. Bon, voilà, et voilà, j'ai transmis la maladie, c'est ça. On va donc passer aux albums à écouter ou à réécouter. Ça va pas être très très long, je pense. J'en ai peut-être oublié, donc on va voir. Oui. Donc, on va passer aux trois retours de Bob qui enfin après 6 mois a écouté. Faut pas te faire Ah pardon, tu l'as pris perso? Non, pas du tout. Ah bah, je comprends pas pourquoi. Non. Alors, l'album de Disturbed, Evolution, qu'en as-tu pensé? Non. Non quoi? Bah non. Ah, t'as pas aimé? C'est trop... Trop mainstream pour moi. D'accord. Mais bon, c'est pas... Même pas la qualité du chant de voix de... Oh, si, si, le chanteur a une voix particulière, donc c'est ça qui peut éventuellement faire apprécier, mais... Non, c'est trop... Non. Et est-ce que tu penses, comme moi j'ai dit, qu'ils vont en vendre des palettes? Je sais pas. C'est possible. Ah, mais toi, t'es vraiment resté à côté, quoi. Ouais, complètement. T'as regardé le truc se faire et t'as dit, tiens, ça a l'air sympa, mais... Ouais, non, j'ai regardé de loin, puis je me dis, tiens, je l'ai vu passer, puis... Du coup, je l'ai laissé passer sans le retenir, quoi. Ah oui. Voilà. Même pas un geste d'au revoir, rien. Ah non, bah non, rien. Puis il m'a pas regardé, donc du coup. Ah, il est dur un peu. Bah ouais, il est un peu dur. Ouais. Donc c'est sans toi. Ouais. Très bien. Même 200. Arrête, s'il te plaît. Je n'en puis plus. Rise of the North Star, Legacy of Chi. Alors. Oui. Non, ok, j'ai dit que ça allait pas être très long. Ah oui. Mais je veux dire, mais faut. Non, mais tu faut, vois. Oui, quand même. Non, parce qu'en fait, c'est... moi j'ai déjà parlé de ces groupes. Oui, c'est vrai. C'est un peu ton retour à toi. Donc... Oui, tout à non, fait. Non, oui. Ça... Donc, Legacy, je l'ai écouté 8 fois. Voire 2, je ne sais plus. Après. C'est le dernier morceau. Voilà. Après, que dire, c'est du bon Rise of the North Star. Hein. Alors, le groupe, le morceau un peu trop hip-hop, moi j'ai trouvé qu'il passait bien. Ah là là, non. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé plus désagréable que ça. Ah Donc, non, l'album est bien passé. Ah, voilà, les chansons. Je le réécouterai. Les chansons s'enchaînent vachement bien. Ouais, je le réécouterai. Ah là là, non, il y a des trucs, c'est pas terrible. Mais. Ah ouais, ça va. J'étais déçu. Oui, donc toi, c'est plus oui quand même. Hein. Oui, ça va. Ouais. Oui. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. On n'en est pas au point que tu l'achèterais. Non. Très bien. Mais je l'aurais écouté. Un matin. Samedi matin, tiens. Pour voir les pancakes. Ouais, par exemple, ou passer l'aspiro. Bah, mais tu vas pas entendre si tu passes l'aspiro. Si, si, parce que je me mettrai à fond. Waouh. Bah ouais. Je mettrai à 28. Oh ouais, mais. Ah, oui. Ah non, mais toi, quand tu. Ah, bah attends, écoute, wow. Faut. Faut que ça dépulpe un peu, quoi. Il n'y a rien de raisonnable sous cette casquette. Je sais. Mais il n'y a rien en même temps sous cette casquette. Je parlais pas de moi, je parlais de toi. Ah oui. Enfin, parce que on sait oui, non, c'est vrai que toi, c'est pas. Et c'est pas glorieux à ce niveau-là. Je suis vexé. Soufly avec l'album Ritual. Alors. Eh ben. Ouais, c'est du bon trash. Ah, et. Avec un S. H. H. Bah ouais, je l'ai réécouté. Et puis au début, j'ai trouvé ça bordélique. Je trouvais ça un peu brouillon. T'as un peu trop de sons qui se mélangeaient. Et puis ça. Voilà. Puis à la réécoute, en fait, ça l'a fait. Mm-hmm. J'ai trouvé ça. Bah du coup, j'ai réussi à. Te mettre dedans. À dire, allez, vas-y, écoute tel. Tu vois. Ouais. Je sais pas. J'ai rien qui suit là. Mais ouais, non, la réécoute, ça l'a fait. Ouais, franchement, ça reste du bon Soulfly. Et le morceau de saxo? Non, je l'ai pas réécouté, lui. Je l'ai pas réécouté parce que. Ah, je te l'avais pourtant vachement bien vendu. Ouais, mais non, c'est vrai que ça me faisait un peu trop penser au film des années 80. Ah bah. Là, le côté un peu New York. Je suis pas un menteur. C'est plus près d'un mais... Non, c'est je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu un ovni dans l'album. Quoi, qui, alors ça fait un peu ça, mais. On prend les ici, quoi. Mais non, en fait, ils ont toujours un morceau comme ça. Non, mais je comprends, mais je veux dire, un petit peu plus tribal à la base, quoi. Ah bah oui, je suis d'accord qu'ils ont été loin, là, mais bon. Ah, peut-être que c'est Tribal New York, peut-être, je sais pas. C'est... Une nouvelle série. Voilà, c'est ça. Tribal New York. Par Dick Wolf. Dans les. J'allais dire dans les favelas brésiliennes. Des crimes de. oui, très bien. Donc voilà, ça c'était les trois albums sur lesquels tu voulais absolument revenir. Moi ? J'ai dit ça, moi ? Non ? Quelqu'un l'a dit. Ah, quelqu'un l'a dit. Est-ce que c'est utile de savoir toi, moi ? Voilà, c'est ça. C'est pas grave. C'était certainement une voix. Donc maintenant, on va passer aux autres albums qu'on a pu écouter. Tout à fait. Alors, Les Tambours du Bronx avec Weapon of Mass Percussion. Donc, pour la petite histoire, Les Tambours du Bronx, c'est des gens avec des tonneaux. Il tape dessus pour faire du bruit. Alors, rien à voir avec Philippe Laville. Rien à voir. Il n'est même pas dedans non plus. Non. Et sur cet album en particulier, ils ont été rejoints par Frank Costanza, l'ancien batteur de Dagoba. Renaud, de Le Fofora. De Le Fofora. Et Stéphane Buriès, de Loudblast. Voilà. Qui vient. Alors, Renaud et Stéphane se partagent le chant. C'est ça. Et puis, bah, Stéphane, il fait de la gratte aussi, en plus. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as donc pensé de cet album ? Je l'ai trouvé sympathique, ma foi. Ouais. Sympathique. Voilà. Ah j'aime bien. D'accord. Alors, moi aussi, je l'aime bien. Mais j'ai eu un petit problème. En fait, il y a un truc que je me suis dit, c'est que je me suis dit, c'est marrant parce qu'ils sont à peu près 12 les mecs. 18, je crois. J'allais dire 75, mais je trouvais que ça faisait trop. Ouais, non, non, mais je crois qu'ils sont 18. Ils sont 18. Et en fait, ils pourraient être deux. J'ai pas senti autant de. Alors, j'ai sûrement pas ça, ouais. Un très bon appareil pour me rendre compte des 18 coups de tambour. Mmh. Mais je n'ai pas ressenti cette, toute cette puissance. Donc, il faudrait l'écouter dans un super truc pour voir. Ouais. Mais moi, tel que je ne l'ai pas ressenti comme ça. Est-ce que tu l'as écouté à 28? Bah non. Bah voilà, c'est ça. Tu l'as écouté à 28, toi? Ouais, une fois. J'ai même été jusqu'à 28, 29. Et alors? Ah bah ouais, là, tu sens la puissance. Hein. Bah mais j'ai plus l'impression que la puissance, elle vient de Franck, pas de tous les tambourins. Ouais. Les petits chanteurs à la croix de bois. Ah! Et tu te rends compte le budget de Barry là. Parce que ça finit pas le concert, le Barry là. Hmm. Je les ai vus en concert. Un Barry, ça fait deux concerts. Pas toujours. Hein. Si. Ah bah non, les trucs ils finissent pliés, donc c'est pas possible. Bah il les retourne. Non, mais pliés des deux côtés, je te jure. Les trucs ils sont pliés en deux. Ouais. Je les ai vus en concert, moi. D'accord. et donc c'est, j'ai été écouter un ancien album à eux pour voir une comparaison. En fait, je suis tombé sur l'avant-dernier album qui était vachement plus électro. Ça a été beaucoup plus dur. Ah oui, voilà. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais pareil, je ressens pas autant cette puissance. Mais à côté de ça, je trouve l'album fort sympathique. Et en fait, je me suis posé la question de savoir si vraiment c'était pas le mélange avec les trois personnes, les trois musiciens en plus qui venaient rajouter le fait qu'on aimait bien. Ouais. Ou si c'était voilà, et donc j'ai pas réussi à répondre. C'est une volonté de leur part d'avoir fait cet album plus métal, justement. Ah bah ouais, ouais. Donc du coup, oui, forcément, après, si ça se rapproche du métal plus que de l'électro, bah forcément que ça va plus nous parler. Oui, mais hein, c'est pas logique. C'est pas non plus leur première dérive métallique. Hein. Bah, pour un groupe qui tape sur des tambours... Non, mais ils avaient déjà fait un truc avec Sepultura. Hein, donc... Oui, oui, en 2014, c'est ça. Oui. Exact. Waouh. T'es le Pierre Tchernia des mélanges musicaux. Oui, oui, bah, ouais. Tambour du Bronx Sepultura 2014, à peu près. Ouais, c'est, ah ouais, c'est ça. Donc oui, c'est plutôt un oui sur cet album. Que tu réécouteras aussi. Oui, oui, oui. D'accord. C'est sûr. Passons à l'EP de Benedicted, Dog Always Bitter Heart Than Their Master. Donc, ouais. Qui est un EP censé fêter les 20 ans de leur carrière. Quand même, hein. Ouais. Avec trois nouvelles chansons, une reprise d'At The Gate et le reste des lives. Ouais. À Lyon, je crois. C'est ça. Qu'en as-tu pensé Alors, contextualisons. Benedicted, une de tes très bonnes découvertes de la saison 2 de Road to Hellfest et donc de l'édition 2018 du Hellfest. Mmh, tout à fait. C'est lié, ça tombe bien. Ouais. Un groupe que tu avais particulièrement bien aimé parce qu'il y avait un mélange de chant porcin et de musique hardcore. Enfin, quelque... Ça te fait rire, ça. Et que tu voulais absolument voir. Que j'ai vu. Et... Ah ben... T'as vu Benedicted? Bah Ben Haitien, on les a vus. Bah, moi, je les ai vus. Bah oui, t'étais avec moi. Tu dormais, toi? Non, Ben Haitien, je les ai vus. Ah bon? Bah oui. Bah alors, je retire ma contextualisation qui sert à rien. Bah voilà. Ah bon, tu les as vus? Bah oui, j'ai même fait remarquer à Mathilde que le mec il chantait pieds nus. Ok, bah tu les as vus. Julien chantait pieds nus. Et donc, t'as bien aimé? Le dernier album? Non, bah le live. Ah, le live? Bah après, oui, c'était sympa de les voir en live, ouais. D'accord. Et donc, cette EP, alors? Eh ben, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. T'as tout bien aimé? Un groupe que tu pourrais acheter? Non. Ouais. Non, je pense pas que je pourrais acheter, mais écouter, ouais, sur Spotify, ouais, sans problème. Bah, moi, je suis un petit peu toujours pareil avec eux, à savoir que musicalement, je trouve que ça le fait. Mais j'ai quelques problèmes avec le chant porcin de temps en temps. Ouais, moi je trouve qu'il se moque bien. Bah des fois oui. Et ça se voilà, ça passe tout seul quoi. Des fois oui, des c'est fois comme non. Comme une bonne galette bretonne, tu vois. Hein, c'est... avec une petite bolée de cidre. Hop, ça passe comme ça. Bah oui, je suis con. Bah. Fait amusant. pendant les morceaux live, entre les morceaux quand tu parles en français, ça fait très bizarre. Ça fait bizarre. C'est vrai qu'au début. On reconnaît les têtes là. Ouais. Celle-là, vous la connaissez. Calme-toi. Je me suis fait la même réflexion. Ça fait un peu décrocher du truc. Et ça m'avait pas marqué au Hellfest, du coup. Bah, ça m'avait pas marqué. Donc, sûrement, c'est parce qu'on écoute une reproduction live que. Mais voilà. Non, donc, moi j'aime bien l'idée, moi justement. Quoi. Je trouve que c'est. Musicalement, c'est ultra riche. Quoi. Ah, musicalement, ça passe vraiment beaucoup musicalement. Plein. Et puis, ça, tout s'accorde bien. Et du coup, ouais, d'un bout à l'autre, moi j'ai fait ah ouais, cool. Tu vois, les petits passages hardcore qui sont bien placé, et puis derrière ça rebourrine, ça m'a fait penser justement du Soylent Green un peu dans l'esprit. Soylent Green, un petit groupe, ils étaient number one. Mais vraiment dans l'idée des changements, et ultra riche quoi. Un morceau, tu vas avoir plein de changements dans le morceau qui se marient très bien et qui se. Voilà. Je suis d'accord, moi musicalement aussi j'aime beaucoup. Ça cut bien. Mais vraiment, c'est de temps en temps, il y a certains passages où le chant est. T'as fait vraiment chant pour ça, vraiment, pour le coup. Mais c'est fait d'exprès. Mais je te dis pas ce contraire. Je te dis que moi, ça marche moins. Ouais, ben voilà, ben écoute. C'est pour ça qu'on discute. Hein. C'est formidable. Et c'est toujours un plaisir. Mais bien sûr. Très bien. Vent. Non. Hey. Van Halen. Van Halen. Alors, le bestouf. Qu'est-ce que tu as pensé? Le bestouf de Van Halen. Je l'ai trouvé formidable. C'est quoi ta préférée? Oh putain, Van Halen, alors je connais pas les titres de Van Halen. C'est pas. Non, les femmes et les enfants d'abord. Ah ouais, c'est vrai, c'est pareil. Ouais. La même. Ouais. C'est fou. Hein. Ah, c'est dingue. Bah, la version. Remasterisée. Ouais. Alors, Hank Van Halen avec l'album Egomania. Contextualisons. Comme tout à l'heure, ça n'a servi à rien. C'est l'ancien chanteur des Turbo Negro qui fait donc. Qui chante dans un autre groupe. Voilà, et on dirait du Turbo Negro un peu. Mais en moins Turbo Negro. Ouais, en fait, c'est comme si tu avais un membre des Turbo Negro. Comme par exemple le chanteur. Voilà. Et que les autres n'étaient pas les membres du Turbo Negro. Voilà, et qu'il avait pris d'autres gens et qu'il dit vous voyez ce groupe? Bon, on va essayer de faire un peu dans le même style. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est pas ton ancien groupe. Oui, mais. Déjà. Déjà, c'est pas du tout voilà. Pareil. Parce que c'est regarde, pas la même chose. Moi, j'ai deux étoiles sur chaque œil. Voilà. C'est pas pareil. Alors. Que l'autre, il est pas. Puis je suis tout habillé en blanc. Alors, ça n'a rien à voir. Avec un chapeau. Qu'en as-tu pensé? Une casquette. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ah, ouais. Ça s'écoute bien. C'est grave. C'est grave que ça s'écoute bien. Tu peux pas. Voilà. Tu le mets en soirée, mais un peu comme un Turbo Negro, dans le côté, ça se met très très bien. Ah ouais, c'est gentil, c'est guiré, c'est cool. Voilà, c'est cool, ça, non, ça, c'est passe, sympa, ça passe bien cool, avec un petit bol de popcorn, nickel. Ouais, et même pas besoin de mettre à 28, hein. Tu mets à 25 pour même déjà à 17-18, c'est bon. Ah, quoi, tu ça passes passe, un bon moment, non, très sympa. Et puis de bout en bout de l'album. Hein. Oui. Donc, Complètement. Du coup, c'est vraiment. C'est un album qui est très très sympa. Et pourtant, j'y croyais pas du tout. Hein. Je suis pas parti avec des a priori, mais je suis parti. Bon, allez, on va voir. Bah ouais, moi je m'attendais à rien en fait. Enfin, pas voilà, rien de bien précis. Quoi, mais je l'ai écouté 3 ou 4 fois, je crois. Ah ouais, non. Ouais, pas mal. Bon, voilà, ça s'écoute bien. Quoi. C'est vrai, ouais. C'est très très très agréable. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu l'achèterais pour autant? Je ne sais pas. Faudrait que vraiment je l'apprécie. J'ai acheté le dernier, Turbo Negro, justement. Ah bon que... Ouais. Ah. Que je l'ai bien aimé. Ouais, il est bien, mais. Enfin, non, il est très bien. Il y a vraiment comme le côté de dire vous avez pompé partout, les mecs. C'est bah mec. Ouais, non, mais ils revendiquent. Non, ça, mais justement. Non, mais album hommage, oui. En même temps, ils n'avaient pas le choix. Je vois bien le producteur. Non, c'est bien vos trucs, mais ça existe déjà. Ah bon, c'est quoi? Bah c'est tous les groupes. Tous les groupes, d'accord. Donc c'est pas un album hommage, c'est un album otage. Je savais pas que tu l'avais acheté. Bah d'accord. Bah du coup, il ferait bien dans ta disco celui-là aussi. Oui, certainement, ouais. Ouais, j'ai pas la fortune à Rothschild non plus, merde. J'ai pas dit ça. Bah, ah d'accord. Tu t'arrêtes de payer pendant 2 heures un de tes sous-fifres. De mes laquais. Et puis tu pourras acheter toute la discographie du monde, alors c'est bon. Je reloute. Alors, Betzefer. Ah. Comment tu dirais ça, toi, d'ailleurs? Ça, c'est un groupe de la vie. Betzefer. D'accord. Comme j'ai dit, en fait. Non, toi, t'es Betzefer. Et tu dirais pas Bitzifir? Peut-être Bitzifir ou Betzefer, mais après, je ne sais pas. J'ai pas vu le... L'onomatopée. Parce que tu trouves que c'est une onomatopée? Pas du tout. Entertain Your Force of Habit. Un album sorti, il y a, tu m'as dit, 2-3 mois? Il y a 2 mois, je crois. Deux mois, un mois et demi, je sais plus. Et qu'on n'avait pas du tout parlé. Non. Moi, j'avais zappé. Pourtant, je l'ai vu sorti. Ouais, je l'ai écouté. Mais oui, c'est vrai que je l'ai... Il y en a tellement. Mais oui, mais c'est quand même, c'est un groupe que t'aimes bien, ça. Ouais, non, complètement. Mais ouais, après, voilà. Bah, faut dire aussi des fois. Oui, je vais, mais la prochaine fois, je dirais. Hé, hey, voilà. Jacques, viens, on écoute ça parce que. Et d'une, j'aime bien. Et de deux, j'avais déjà une de mes recos qui était ça. Ouais. Donc. C'est vrai. Moi, j'aurais dit, bah oui, évidemment. C'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour ce groupe. Et donc, alors. Et puis, quand tu m'as dit ça, moi, j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est bien. Bah oui, en plus, t'as vu. Je t'avais dit, hey, mais c'est bien. Ouais. Et là, c'est même moi qui suis retourné écouter cet album avant que tu me le dises. Ouais. Et je suis venu après vers toi, j'ai dit, hey, dis donc. Quand même, on dirait du Pantera. Et là, t'as dit, ouais, c'est pas faux. Et moi, j'ai dit, bah, quand même. C'est ça, hein, mot pour mot. Et bah, en fait, voilà, j'ai adoré l'album. Vraiment, hein, je l'ai écouté, je sais pas, j'ai dû écouter facilement 10 fois cette semaine au moins. Ouais. Et ça me fait trop penser à du Pantera, par contre. Contrairement à l'ancien album, voilà. Qui me faisait moins penser à ça. Mais Et encore les autres albums où ça fait vraiment encore moins penser ou à l'autre album et ça fait encore moins penser à celui-là. Mais tu me rejoins là-dessus en tout cas pour dire... Ah ouais, non, complètement. Ouais. Ouais, donc, une grosse... je sais pas si c'est une grosse influence Pantera, mais est-ce que c'est vraiment fait... Bah là quand même, ça ressemble et musicalement et même au niveau de la voix. Au niveau de la voix, ouais. Et de la manière de... De chanter, ouais. De chanter et même dans la musique de certains trucs. De poser, tout ça. Ouais, ouais, franchement, ouais. Mais ça passe, hein, je veux dire, c'est pas... Oui, ça passe très bien. Ouais. C'est vraiment, il y a des bons trucs, donc ouais, non, non. Est-ce que c'est un album que tu pourrais acheter? Grave. Ah, voilà, enfin. Ah, non, celui-là, oui. D'accord, très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Moi aussi, je pourrais l'acheter, celui-là. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah non, celui-là, ouais. Je le mettrais à 30, même. Oh. Ah bah, je viens. Ouais. Ouais, je pense que de manière, la ville entière va t'entendre, donc je m'entendrai de chez moi. Écoute. Et dernier album pour cette soirée, le remaster de Metallica avec Unjustice for All. Donc chaque fois qu'un de leurs albums arrive à 20 ans, ils le ressortent en version remasterisée avec des gros coffrets comprenant des vinyles, des disques, plein de pistes audio, plein de bonus, des super trucs, hein, super chers, qui même moi en tant que fan, j'ai jamais acheté un. Mais... Et je pense que si on m'en offrait un, je serais plus gêné qu'autre chose. Ah, c'est gentil, mais quand même, c'est un peu cher. Et la particularité de ce qui était intéressant avec ce remaster... Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Ah ben non. Quoi? Non, non, non, non, rien. T'as cru que c'était un message caché? Ouais, genre. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non, non, non, non, vraiment. C'est... Moi, en fait, quand on me fait un cadeau et que j'en connais la valeur, en général, je suis plus gêné qu'autre chose. Genre, putain, mais non, mais c'est trop, quoi. Non. Ah, d'accord. Ah non, non, vraiment, je suis... Et ça me met, en général, vraiment mal à l'aise. Donc... Je suis pas très à l'aise d'ailleurs dans ces moments-là en général. Bref, Unjustice for All. Donc, ce que j'ai trouvé moi intéressant dans ce remaster et que je t'ai montré, c'est que tu as beaucoup de versions démo et même sur Spotify, tu as tous les titres. Donc, tu peux vraiment voir les anciennes versions des morceaux, les débuts avec les trucs pris sur les enregistrements cassettes de James. Donc, tu as toutes les versions démo, les versions évoluées, les versions. Enfin, tu as plein de bonus, plein de live, plein de trucs. Et c'est hyper intéressant. Pour la petite histoire, il faut quand même noter que Unjustice for All était un album bien, bien particulier, car il arrive après Master of Puppets, qui était déjà c'est THE album, Master of Puppets. À la fin de la tournée, enfin, pendant la tournée, enfin, sur la fin de la tournée, bah, il y a eu la mort de leur premier bassiste, Cliff Burton. Ils ont eu un mal de chien à s'en remettre. Il a été remplacé par Jason Newsted, qui a servi de... Comment on dit de... Souffre-douleur. Ouais, de soupape de décompression et qu'il a pris un peu dans la gueule pour le fait que Jason ne soit pas là. À tel point qu'au final, dans l'enregistrement de l'album, le mixage, on n'entend plus la basse. Parce qu'en fait, alors, il y a une longue interview dans Rockhard où ils essayent d'expliquer un peu pourquoi. Donc, dans le mixage, James, il dit que bah, c'était les mêmes fréquences que lui à la guitare. Donc, au bout d'un moment, en montant la guitare, on n'entendait plus la basse et tout ça. Et en fait, en gros, il y a leur producteur de l'époque qui a dit non, mais ils ont clairement dit, t'entends la basse, ouais, bah, on l'entend plus maintenant. Voilà, en gros. Ils ont. voilà. Ils ont. Ils voulaient pas, enfin, c'était pas. C'était. Voilà. C'était. C'était plus. C'était pas Cliff. Donc, voilà. c'était pas encore le moment. C'est ça. Donc, And Justice for All arrive après Master of Puppets, après la mort de Cliff. Et c'est l'album qui arrive aussi avant le Black Album, qui est le succès interplanétaire qu'on connaît tous. C'est un album beaucoup plus complexe que les autres albums de Metallica. Les morceaux sont longs. Il y a beaucoup plus de tempos différents, de riffs différents. Il est assez indigeste la première fois, je trouve. Quand t'es pas préparé... moi, c'est un album que j'ai rejeté au début. Parce ouais. que, à part quelques hits comme One ou Harvester of Sorrow, t'as des morceaux qui sont efficaces, mais t'as quand même d'autres qui sont assez durs, je trouve. Faut vraiment envie d'y aller, quoi. Mais il sonne pas pareil. Qu'est-ce qu'il me montre ? Ah, d'accord, très bien. Ok, donc, bah, tu peux le... Tu peux... Voilà. Mais tu l'as fait là ? Ben, je l'ai fait ce matin. Non, mais attends, ça vient juste d'être fait. Hein. Mais c'est, oui, mais j'étais pas sûr. Non, mais d'accord, mais ça changerait que je te dis est-ce que tu vas le faire et tu vas dire oh, je sais pas, je vais voir. Ah non, mais pas dans tous, tu m'as demandé dans tous. Mais... J'ai dit au moins les normades, oui. D'accord, très bien. Ok. voilà. Bah explique maintenant parce que tu m'as coupé, donc explique ce que tu viens d'avoir. Je suis désolé. Hein. Bah non, bah vas-y, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Alors, donc voilà, ma demande d'admission aux normades a été acceptée. Voilà, tout simplement. Le chapter. Voilà. Normand. Très bien. Et donc, pour en revenir à Justice for All, c'est aussi à cette période-là qu'est sorti Seven Son of Seven Son d'Iron Maiden et un autre album, et un album de Queenreich, un peu dans la même veine, un petit peu de métal progressive qui commençait à arriver, on va dire, en quelque sorte. Et c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans cet album, c'est leur album le plus progressif, on va dire. Et donc, c'est un des albums les plus compliqués aussi, qui est très bon, mais qui annonce forcément une nouvelle chose. Et quand tu vois Master of Puppets, And Justice for All et le Black Album, tu vois vraiment des... C'est pas un chemin qui semble cohérent. Tu dis pas que tu vas arriver au Black Album après And Justice for All. Donc, c'était assez agréable de réécouter cet album, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas écouté. C'est un album que je trouve assez dur à conseiller aux gens, en fait. De par sa complexitude. Ouais, mais même d'approche, quoi. Il est, ouais. Il est plus hermétique, je dirais. Et toi donc, qu'en as-tu pensé ? Ouais, voilà. Ce fut compliqué de l'écouter. Ah. Déjà, il n'y avait pas tout sur Spotify. Alors, quand j'ai recherché, moi, je n'ai pas tout trouvé. Ouais, non, bah, tout ce que tu m'as fait écouter, là, samedi soir. Ouais. J'ai pas trouvé ça, moi. Hein ? Non, je te jure, c'est vrai. T'as tapé quoi ? Ben, Justice for All. Bah oui, mais non, mais t'es con. Alors, tu vas sur Metallica. C'est ce que j'ai fait. Tu redescends, d'accord ? Tu vas dans Album, voir tous les albums. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu redescends, tu fais Justice for All Remasterized. C'est ce que j'ai fait. Justice for All Remasterized Deluxe. Bah oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça. Et bah vas-y, fais-le en direct. Oh, mais t'es chiche. Mais je suis chiant, mais je suis chiant, mais oui, c'est moi qui suis chiant. Regarde, ma connexion en plus, elle est... Mais oui, c'est moi qui suis chiant. Voilà, alors. Et malgré ça, t'as quand même réussi à écouter l'album en entier ? Non. Les 9 titres, t'as pas réussi ? Non, j'ai pas tout écouté. Mais je le connaissais déjà un petit peu avant, forcément. Mais j'ai pas écouté tout ce que toi tu m'as montré. Donc, non, mais coup, ça d'accord, mais de l'album de base. Oui. Les 9 titres. Ouais, bah après, moi j'ai pas un avis aussi objectif et clairvoyant que toi par rapport à Metallica, vu que t'es un gros fan de Metallica. Du tout, non, j'ai un avis objectif sur tout, alors c'est pas la peine. Ah ouais, 147 titres, là je l'ai. C'est tout, il y a que 147 titres. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, le 147, j'ai pas tout écouté. Ah bon ? Non, parce qu'il y a des lives d'anciens morceaux, donc ça ne sert à rien. Ah bah. Ah, super le média. Hein. Bah, c'est quand même, j'arrive, au moins, j'arrive à le trouver. Oui. bah, c'est bon. Bah, du coup, j'écouterai les 147 titres. Allez, Là, je pourrais te donner un avis. Et sur l'album en soi, t'en penses quoi ? Parce que Master of Puppets, tu l'as écouté. Ouais, mais moi, je peux pas te dire. Metallica, je suis pas... Oui, non, j'ai écouté Master of Puppets, forcément. Et t'as écouté le Black Album. J'ai écouté le Black Album. Et donc, ces titres-là, tu les trouves... J'ai, d'ailleurs, mais, Tu les trouves comment, ces titres-là, comparés entre les deux? Bah, ouais, pour moi, ça reste du Metallica, donc après... Pas le contraire. Voilà. Mais moi, j'ai pas un avis objectif là-dessus. Moi, ça reste du Metallica. J'aime bien Metallica, mais je ne suis pas fan de Metallica. C'est pas grave, personne n'est parfait. C'est pas grave. Moi, je t'en veux pas pour ça. Ouais ? Non, je t'en veux pas. Donc, voilà. Donc, j'aime bien. Mais, non, mais je ne peux pas te donner un avis objectif sur Injustice for All. On ne peut pas donner d'avis objectif. Tu peux donner qu'un avis subjectif. Mais tu peux avoir te dire, oui, ben, je le trouve pas facile d'accès, cet album. Parce que je le trouve pas sur Spotify. Oui, il n'est pas facile d'accès. C'est ma connexion qui n'est pas facile d'accès, des fois. Eh bien... Mais, ouais, non, mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai bien aimé. Mais voilà, quoi. Ah, mais c'est très bien, écoute, ça me va, t'as bien aimé. T'es le meilleur, voilà. T'es le champion, c'est toi. Ils enflamment, tout cas, à voir, c'est clair. Eh bien, écoute, je pense que nous avons fait à peu près le tour. Nous sommes à 3h17. Non, 1h30. Ah bah, ça va. Ouais, on est correct, ouais. On est bien. On est raccord. Il est 23h25, si on se dépêche assez, on peut se coucher à 23h27. Ouais, donc c'est on est bon. Eh ben, je te propose qu'on arrête là. Tout à fait. Donc, c'était le 4e épisode de Road to Hellfest. On était contents d'être de retour. On a passé un bon moment en notre compagnie respective. Voilà. Et on se retrouve donc demain soir. Vrai, j'ai passé un bon moment avec en ma compagnie. On se retrouve demain soir pour un épisode plutôt court sur la découverte de l'affiche. Comment t'es sûr de toi? Oh là, tu crains quand même. Et puis ben voilà, vous pourrez découvrir. Bah, quoi qu'il arrive, si c'est pas demain, mais si c'est entre demain et la semaine prochaine, on fera un épisode spécial. On essaiera de pas se spoiler l'affiche pour la découvrir en direct. Non, ça va pas être facile. Hein. Ah bah, il faut que ce soit le jour même. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ah bah ouais. Mais ça va pas être facile. Ah bah attends, moi si je la reçois le midi, je fais comment? Tu dis à parcimonie qu'elle te prévienne avant. C'est n'importe quoi. Bah je sais bien. Oh. Du coup, moi j'ai très peur de le découvrir en regardant sans faire exprès en fait. Merde, ah j'ai bah moi c'est ça. C'est, bah c'est ça. Donc on s'interdit de réseaux sociaux pendant une semaine et demie. Mais on n'avait pas la date. L'année dernière, on avait la date. Mais là, on n'a toujours pas la date. Donc on est obligé de s'interdire de réseaux sociaux pendant 10 jours, en fait. Parce qu'on est le 20, donc... Oui, mais ça ne va pas être facile de... ça aurait été plus simple de savoir... À moins qu'il y ait des salauds qui nous balancent. Ça, on paraît sévère. Ils se comprennent. C'est ça, les salauds. Ouais, mais non, mais parce que... Ça serait bien aussi de le savoir rapidement. Donc, est-ce que tu crois qu'on pourra être prévenu à temps? C'est pas clair. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. J'étais en train de chercher, mais j'ai pas compris. Je suis pas sûr d'avoir. Je crois que c'est même pas ce que tu voulais dire. Non, mais c'était pas. Les mots ont dépassé ta pensée. Là. La vache, c'était compliqué comme phrase. Bon, en tout cas, on se retrouve. La prochaine fois. Voilà. Alors, peut-être que ça sera pour l'affiche, peut-être que ça sera pour la prochaine émission. En même temps. Si c'est pas pour l'affiche, de quoi on va parler? Ça, c'est une bonne question. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai même pas forcément beaucoup d'albums à écouter. Ah bon, après, il y a des petites découvertes. Hein. Bah, ça serait bien que tu partages, parce que moi, je sais pas. Hein. Ouais. Non, bah, j'ai écouté 2-3 trucs, là, tout à l'heure. Bah, voilà, c'est bien. On en reparlera, mais, mais c'est juste qu'il faut que j'approfondisse un petit peu les groupes que j'ai découverts, donc... J'ai écouté quelques titres qui m'ont plus ou moins plu et du coup, je veux approfondir un petit peu le sujet. Donc, d'accord. Pour en reparler. Très bien. Et ben, mon élocution. Ça améliore de seconde en seconde. Tout à fait. C'est formidable. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi. Une bonne nuit. Moi aussi. Voilà. Et on vous aime. Et on vous emmerde. À la prochaine fois. Allez, bisous. Salut.